Comment dites-vous la ville de Shanghai? Comment dites-vous son nom en chinois? Shanghai. Shanghai. Et est-ce que vous vous souvenez de ce que ça veut dire? Près de la mer? Sur la mer. Et une fois de plus, nous avons deux mots, de plus pour nous amuser. Le premier que nous allons utiliser est Shang, qui signifie sur. Shang, doigt noir pointé vers le sol. Shang. Rappelez-vous comment nous avons dit il est dans sa maison ou à l'intérieur de sa maison. Alors comment dites-vous maison? Jia li. Oui, à l'intérieur se dit li. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est associer le sur, le mot chinois pour dire sur, qui est shang, à n'importe quel nom de notre choix pour indiquer que c'est sur cela. Prenons par exemple, ce livre est sur la table. Alors, ce livre, zhe ge shu, se trouvait zai, table. Alors, qu'est-ce qui était posé sur la table et qui avait été réceptionné par votre grand-mère? Avec l'accent de la campagne? Oui, exactement. Quelque chose. Et comment dit-on table? Zhuozi. Zhuozi. Comment dites-vous sur la table, c'est-à-dire se trouver table sur? Zai zhuozi shang. Alors, comment dites-vous « ce livre est sur la table »? Zhe ge shu zai zhuozi shang. Ce livre est sur la table. Zhe ge shu zai zhuozi shang.